Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Très cher monsieur, enfin je vous trouve. Je vous cherchais partout. Êtes-vous passé par mon appartement? Mais bien sûr, bien sûr. Et? Vous n'y étiez pas malheureusement. J'en fus fort déconfit et un tantinet inquiet. Et pourquoi ça? Ne vous trouvant pas, j'ai cru que vous aviez glissé sur la savonnette. Je vous imaginais gisant dans votre sang, en costume d'Adam, la tête contre la baignoire. Les pieds dans la toilette. J'étais hors de moi, si bien que j'étais à deux doigts d'enfoncer votre porte quand monsieur, votre distingué et âgé voisin, est sorti vivant de chez lui pour m'informer en termes très colorés que vous débutiez ce matin un nouvel emploi. Je me suis aussitôt précipité pour me rassurer sur l'état de votre santé. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ah, moi, ça va mieux, maintenant que je vous ai vu. Tant mieux, tant mieux. Et vous aimez? Quoi donc? Cet emploi de libraire. Je ne sais pas encore. Vous êtes mon tout premier client. Ça dépendra un peu de ce que vous me répondrez. À quoi? Ah, comment puis-je vous aider? Puis-je vous intéresser à notre fascinant rayon de Bible? Suivez-moi. J'en ai déjà une, vous savez. On n'a jamais assez de Bible. Témoin? Notez le choix. Format poche, grand format, format album, couverture souple, couverture cartonnée, rigide, 3D, plein, illustré, gaufré, gravé, avec ou sans dorure, avec ou sans illustration intérieure. Cette immense, là, sur le chariot élévateur, est une édition avec police élargie pour les gens qui ont des difficultés à distinguer les caractères d'une édition standard. Personnellement, je vous recommande plutôt celle-ci. Une superbe édition Saint James, traduite du russe par un slovaque grec d'origine romaine. Vous le croirez si vous voulez, mais le texte original date d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Étonnant. Il contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Ben, évidemment. Sinon, ce ne serait pas une Bible, n'est-ce pas? Oui, en effet. Vous en parlez combien? Deux? Fort bien. Suivez-moi les caisses. Mais... ça vous fera donc... 325 et 49. Comptant, chèque ou débit? Débit, je suppose. Et voilà, mon cher témoin. C'est tout à vous. Merci. Je crois que je vais aimer ça, finalement. Pardon? Ce boulot de libraire, je crois que je vais aimer ça, finalement. Oh, miséricorde. ground when you learn to be a master. Two palaces, two friends, dance and salt men, and that shot in the face. C'était Kael qui interprétait Illusion de Christian Martin. Bonjour, pépère. Ah, salut, mon jeune. Je suis venu voir comment ça allait dans ta nouvelle job. Bah, pas pire pas en tout. Ah, ben tant mieux. Ah, je voulais te dire, il y a le gars avec son drôle de petit casque qui est passé par chez vous à matin de bonne heure. Il voulait te voir, je crée bien. Il va rejoindre dans ta porte comme un donné, là, jusqu'à ce que je chope, puis j'ai dit quand t'étais pas là. Je pense qu'il manque des bottes dans la tête à celui-là. Il a fallu que j'y dise où t'étais pour le calmer. J'espère que tu m'en veux pas trop. Bon, pas une seconde, pépère. Enfin, je voudrais vous remercier. Il m'a acheté pour plus de 300$. Une pause d'ouelle! Comme vous dites. Qu'est-ce qu'il a acheté? Deux bibles. Aïe, ils sont chers tes bibles, mon jeune! C'est pas moi qui fixe les prix, vous savez. Je sais bien. Est-ce que je peux vous intéresser à quelque chose? Pas à ce prix-là, en tout cas. Oh, on en a de tous les prix, vous savez. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Hey, pépère, regardez-moi ça. C'est des superbes ouvrages de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, pour être beau, ils sont bien beaux. Ah, ils sont combien? Vous avez vu? Papier glacé. Et les photos? Vous avez vu les photos? Ben oui, c'est des bien beaux portraits. Mais comment ça coûte? Il y a même une section sur l'armée canadienne. Ah ouais? Où ça? Ici. Vous avez vu? On a même consacré 3 pages au 22e régiment. Non! Tu me tires la patte, là! Pas du tout, regardez! Ben, c'est bien vrai! Oh, Boswell! Hey, mon run! Le gars, là, le portrait, c'est Tiffonce Bégin! Tiffonce Bégin, Boswell de Boswell! À sortir mon meilleur chum dans l'armée, ça! Ah, Boswell! Un beau petit fonce! Il en est pas revenu! Oh. Je suis désolé, papa. Que si tu veux! C'est ça, la guerre! Laissez-moi vous montrer autre chose, hein! Ben, pas pantoute! Qu'est-ce que tu fais là, mon hun? Va le prendre ton livre, c'est sûr! Malheureusement, il est pas donné. Je veux pas le savoir! Si fonce, Bérin! J'ai jamais eu de portrait de lui! Il est mort trop vite! Ah ouais, amène-toi, mon hun! Je veux montrer Tiffonce Bérin à ma mère! Elle va être contente de le connaître! Débit ou comptant? Cash, cash, cash! Toujours cash, mon jeune! Toujours cash! C'est beau, papère, c'est beau. Ça va faire... 68,98. Tiens, tout est là! Merci, papère. Bonne journée, là. Ah ouais, c'est ça! Salut, mon jeune! Monsieur Courtemèche? Quelle surprise de vous trouver ici, derrière ce comptoir! Je déambulais allègrement vers la salle paroissiale pour un comité bénévole et charitable quand je vous ai aperçu par la vitrine. Bien que je sois quelque peu pressée, je me suis dit « Allons lui dire bonjour et nous informer subtilement de ce qu'il fait là. » Alors, que faites-vous là? Je boulotte. Pardon? J'ai commencé ce matin ce nouvel emploi. Vous voulez dire... Yep, libraire. Oh mon doux! Et qu'advient-il de votre carrière de chanteur? De votre voix? De votre talent opératique? Au dépotoir... Des rêves brisés. Oh, monsieur Courtemèche, comme c'est triste! N'est-ce pas? Puis-je vous intéresser à un de nos ouvrages? Nous avons de tout pour tous. Venez que je vous montre. C'est que... La culture. Il n'y a rien tel que la culture. Vous avez vu notre rayon sur les arts? Théâtre, chant, sculpture. On m'attend! Nous avons également une très abondante section sur la croissance personnelle. Voyez tous ces titres inspirants. Comment se faire des amis, comment se faire des ennemis, vos plus grands amis sont vos meilleurs amis. Et regardez-moi un peu celui-ci. Comment influencer les gens pour qu'ils vous donnent tout ce que vous voulez, quand vous le voulez, et comment les remercier sans vraiment le ressentir au niveau du porte-monnaie. Ça ne vous serait pas utile, ça, pour vous lever de fonds? Je ne dis pas non. Et celui-là? Lequel? Celui-là, juste à côté. Notre plus grande richesse est le don de soi? Oui! Comme c'est beau et comme c'est vrai! Justement, j'amasse présentement des fonds pour une cause des plus importantes, la Société du cancer de l'hôpital pour enfants. Maintenant que vous travaillez et que vous gagnez un salaire respectable, vous donnerez bien quelque chose, monsieur Courtemèche. C'est que... Oh, comment pouvez-vous dire non à l'hôpital pour enfants? Vous avez raison, madame Coudon, je ne peux pas. Combien vous faut-il? Oh, le montant du don est tout à fait à la discrétion du donneur. Un gros vin, ça vous irait? Sans doute, si je voulais acheter un tricycle à une fourmi unijambiste, mais... 50 alors? Oh, il s'agit de la Société du cancer, tout de même! 75? De l'hôpital pour enfants, monsieur Courtemèche! Ça? Ah, ça ira très bien. Merci beaucoup! Hé, hey, et vos deux livres? Croyez-vous vraiment que j'ai besoin de ces ouvrages, monsieur Courtemèche? Toudelou! Nom de Zeus! Je me suis fait avoir comme un bleu. Comment s'esquiver avec une cause telle que la Société du cancer de l'hôpital pour enfants? Et impossible de prétexter à être fauché non plus avec cette nouvelle job. Ramard. Et cette vieille grippe-sous est partie sans rien acheter en plus. Je commence à me demander si c'est une bonne affaire, ce nouveau boulot. Salut mon polo, comment vas-tu? Moi j'ai une pêche d'enfer! Et ce nouveau boulot, comment ça se passe? So-so. Ah, que veux-tu? À chacun son talent. Tout le monde ne peut pas être vendeur. Moi, ça me connaît. C'est mon métier. J'y suis trempé depuis des années. Ça ne s'improvise pas. Ça avait pourtant bien commencé. Ah oui? Sûr. De bonnes ventes en début de matinée. Ah là! Tu m'étonnes. C'est après que ça s'est gâté. Ah, ça me rassure. Comment ça te rassure? Je veux dire... dommage. Vraiment dommage. Ça m'a même coûté 100$ dans ma poche. Comment? Mais que s'est-il passé? Tu es tombé sur un meilleur vendeur que toi? Ça doit être ça. Qui était-ce, cet escroc? Madame Coudon. Cette chère Artémise! Je savais bien qu'elle avait du talent! Du talent... En attendant, je suis plus pauvre de 100$, moi. Tu t'en remettras! Surtout maintenant que tu as un boulot régulier! Si un boulot régulier est pour m'apporter ce genre de contrariété, je vais songer à démissionner, moi. Bienvenue dans notre société! Moi... En attendant... Je peux t'intéresser à quelque chose? Non, pas vraiment. J'étais seulement venu voir comment tu te débrouillais dans ton nouveau boulot. Et à ce que je vois, après un passage inquiétant au début de journée, tout est redevenu normal. Parfaitement normal. Thank you. c'était Claire, tiré de la symphonie familiale de Christian Martin et interprété par le Newport Orchestra. Hey, salut, mon vieil! Comment c'est que ça va? T'aimes-tu ton nouvel job? Plus ou moins. T'es déjà écœuré avec elle? Plus ou moins. C'est quoi, ta trouble? C'est le genre de boulot qui est plaisant quand tu vends et pas mal moins drôle quand tu te fais vendre. Well, c'est de même dans tout, mon vieil. Il y a des bouts de fun et des bouts pas fun. Accroche-toi. Qu'est-ce que ça donne? Come on, mon vieil! Laisse-toi pas tomber de même! Essaye avec moi! Ça sert à rien, je te dis. Je suis pourri comme vendeur. Oh, come on! C'est au moins une chose! Quoi? N'importe quoi! Bon, ok, si tu y tiens. Suis-moi. Nous avons ici d'excellents cours de français, inclus CD enregistré par un prof d'éducation physique de l'école de réforme. What do you mean, des cours de la français? Ma français est parfaite de même, mon vieil! You know what? You're right! T'es pourri comme un salesman! Stupid blockhead! Ungrateful bastard! Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'Annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du Témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution Non-Commercial, Non-Derivatives, et est une production 2012 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.